Chapitre 6e. L'amorce très étonnée. L'amorce, de son côté, fit à son chef, dans le cabinet de la sûreté, le récit de ses derniers événements, de ce qu'on appelait ici la semaine anglaise. Ce qui m'étonne, ce n'est pas d'avoir été prévenu par des confrères anglais, d'avoir été amené au moment voulu dans cette maison retirée, que malgré tout je n'aurais jamais pu découvrir, par cet obligeant détective, ce n'est pas d'être arrivé grâce à lui au moment voulu, d'avoir pu arracher enfin le brave capitaine la Rochardie aux mains de ses bourreaux, c'est précisément d'avoir pu faire tout cela qui m'étonne. Pourquoi ? Lui demanda-t-on. C'est trop beau. Je me demande en effet dans quel but, pourquoi ce détective anglais s'est occupé ainsi de nos affaires, comment il se fait qu'il ait eu connaissance de l'attentat et qu'il ait pu me prévenir à temps. Ne recherche pas la raison de tout cela pour le moment, lui dit Paulin Broquet. Raconte-moi simplement les faits. Bien, chef. L'amorce reprit. Conduit donc par mon obligeant confrère dans cette imprimerie changée en chambre de torture, je suis arrivé, avec mes deux hommes, lorsque le supplice était fini et quand 4 heures avaient sonné. Les gens en cagoule, faisant à n'en pas douter partie de la bande d'Azigomar, avaient alors acquis à ce moment la conviction que la Rochardie venait héroïquement de leur jouer un tour admirable. Ils avaient la certitude que leur cruauté serait sans résultat et ridicule. Or, Azigomar a pour principe absolu de ne pas commettre de crimes inutiles. Naturellement, à notre arrivée, la bande s'envola comme une nuée de moineaux. Quand je trouvai le capitaine et M. Simonet dans la grande salle d'imprimerie, devant la presse, qui fit service d'instrument de supplice, tout le monde avait fui. Près d'eux se tenait seulement un gentleman au teint jaunâtre, à la figure sarcastique, aux yeux bridés. « Un japonais !» s'écria Paulin Broquet. « Oui, chef, un japonais. Bon, bon, poursuis. » fit le détective en se grattant énergiquement le menton. Sa présence ici avait tout lieu de nous étonner, mais il nous en donna la raison. Il était venu, dit-il au détective anglais, pour faire la commande de divers travaux à l'imprimerie, et c'était le plus grand des hasards qu'il avait mis à même d'assister à la dernière phase de l'héroïque aventure. D'ailleurs, la Rochardie devant moi le remercia de son intervention, lui serra cordialement la main, et j'ai dû le laisser aller sans demander au détective anglais qui l'accompagnait de lui poser quelques autres questions. Prévenant sans doute mon désir, le japonais, s'adressant en anglais au détective, lui remit une carte, donna son adresse, ses références et tous les renseignements possibles. « C'est bien. Passe. Tu es revenu avec le capitaine et M. Simonet, tu les as installés au Cyril Hôtel, et tu as assisté aux soins que l'on donnait à la vaillante victime. Je me doute de tout cela, mais dis-moi seulement ce qui peut m'intéresser. » Je présume que les détectives anglais ne s'en sont pas tenus là, et que ce détective privé, Mac Binkerton, qui était venu te chercher, n'a pas dû t'abandonner après cette aventure. Il est certain que tu l'as revu dans la journée, dans la soirée, à un moment quelconque, le lendemain, les jours suivants. En effet, chef, les détectives officiels firent leur rapport comme il est de règle. Quant au détective privé, qui était Mac Binkerton, il se présenta à l'hôtel dans la soirée et demanda voir le capitaine La Rochardie. On le fit entrer dans la chambre où reposait le blessé. Je m'y trouvais ainsi que M. Simonet. Le détective anglais nous fit encore ses offres de service, nous assura de son dévouement, se mit à ma disposition pour me piloter dans les dédales mystérieux de la capitale. Je passe, chef, sur les éloges qu'il a fait de vous, sur l'admiration qu'il professe pour votre habileté, votre courage. Bien, bien, ça n'a aucune importance. D'ailleurs, il vous dira lui-même très prochainement tout ce qu'il pense de vous. Il doit venir à Paris. « Oui, chef. Il est chargé d'accompagner je ne sais plus quel millionnaire qui doit passer par la capitale. À ce moment, vous recevrez sa visite. »« Bon. Il sera très heureux d'entrer en relation avec vous, espérant, ainsi qu'il me l'a fait entendre, que vous pourriez le seconder dans certaines affaires qui se passeront sur le continent. »« Avec plaisir. Attendons, Mac Binkerton. Je serai également enchanté de le voir. » L'amorce, tout en écoutant son chef, le regardait avec un air des plus étonnés. « Tu as encore quelque chose à m'apprendre ?» lui demanda Paulin Broquet. « Je voulais vous dire, chef, en conclusion, que je ne me suis nullement endormi sur les promesses séduisantes, les offres engageantes de notre collègue Mac Binkerton, et que j'ai rempli, ainsi que vous m'en aviez chargé, mon rôle de surveillance auprès de M. Simonet et du capitaine de la Rochardie comme si jamais Mac Binkerton n'avait existé. Pourquoi cela, mon garçon ? Parce que si l'intervention de Mac Binkerton m'a paru étrange, Mac Binkerton m'étonne encore plus lui-même. Ah, quelle idée! Je me demande si Mac Binkerton, arrivant ainsi à un point nommé, attend pour la fin seulement du supplice du capitaine, n'est pas un complice des bourreaux. Si cette affaire ainsi conduite n'est pas le résultat d'un plan admirablement combiné, parfaitement exécuté. Je me demande ensuite si ce Mac Binkerton n'est pas un Z, un homme de Zygomar. Cette déclaration causa une profonde stupeur parmi les auditeurs, qui étaient les lieutenants et les premiers aides du détective, Gabriel, Hermann, Phelan, Firmin, voire Sidi lui-même. Tous, avec anxiété, tournèrent les yeux vers leur chef, attendant sa réponse. Paulin Broquet, lui, gardait la tête légèrement penchée. Ses yeux se portaient sur ses doigts, qui roulaient méticuleusement une cigarette. Cependant, on pouvait voir qu'il souriait. Au bout de quelques secondes, la cigarette roulée et mise aux lèvres, Paulin Broquet frotta une allumette et dit à l'amorce « Tu es dans l'erreur absolue, mon garçon. Pour cette fois, ta perspicacité est en défaut. C'est possible, chef. C'est certain. Je ne connais pas personnellement Mac Binkerton, mais je n'ai entendu parler dans les meilleurs termes. C'est ce qu'il a fait pour toi, pour moi et pour nous, en somme, qui t'étonne. Eh bien, je suis persuadé que Mac Binkerton l'a fait dans le seul but de bonne confraternité. Cela me touche particulièrement. Et je serais heureux de faire la connaissance de Mac Binkerton, de pouvoir entrer en relation d'affaires avec lui. J'attends donc avec impatience la visite annoncée de Mac Binkerton. » Devant cette déclaration, à laquelle il était loin de s'attendre, l'amorce demeura quelque peu abasourdie. Cependant, par discrétion, il garda le silence, ne voulant pas soulever la moindre objection nouvelle. Mais avec son camarade Gabriel, il échangea un regard plein d'anxiété. Paulin Broquet se mit à marcher dans la pièce, et comme il était un homme qui tenait à donner un démenti au proverbe affirmant qu'on ne peut faire deux choses à la fois, le détective en faisait trois. Tout en marchant, il fumait, pensait et se grattait énergiquement le menton. Brusquement, au bout d'un moment, il se tourna vers Hermann. Hermann était l'auxiliaire de Paulin Broquet à qui fut dévolu le rôle du jeune Allemand débarquant à Paris et qui avait été brûlé lors de sa tentative à la taverne luxembourgeoise. S'adressant à lui, Paulin Broquet dit « Mon garçon, il faut que tu retournes sous un autre déguisement, dans un nouveau personnage, à ton choix, dans cette brasserie. Il est nécessaire que nous ayons quelques tuyaux. Je présume en effet que cette aventure survenue en Angleterre est fortement commentée dans ce coin d'Allemagne. » Se tournant vers Phelan, il ajouta « Quant à toi, mon garçon, tu seconderas ton camarade Hermann et tu me tiendras au fur et à mesure au courant des événements, de la situation exacte. » Ensuite, il tendit la main à ses auxiliaires et leur dit « Maintenant, allez, mes garçons. » Il retint seulement Gabriel et l'amorce. « Vous deux, restez. Nous avons pas mal de correspondances à examiner. » Quand les autres furent partis, Paulin Broquet ayant repris sa marche, allumé une nouvelle cigarette, au bout d'un moment de recueillement à son habitude, dit à ses lieutenants « Mes garçons, il y a parmi nous quelqu'un qui commet des indiscrétions, qui nous trahit. » Gabriel et l'amorce sursautèrent. « Chef, dit enfin Gabriel, depuis longtemps nous en avons le soupçon, mais c'est tellement grave que nous ne voulions pas vous en parler avant d'en avoir l'absolue certitude. »« Bien, mes garçons. Mais cette certitude, je l'ai maintenant. Il est évident que nos ennemis ont été prévenus de nos diverses opérations dans la maison de Schmitt. Oui, chef. La belle Marguerite, la Gretchen Rubiconde, qui est bonne chez le capitaine Malter, si elle a pu prendre ses précautions et ne me laisser dans les mains qu'un œuf de celluloïde vide, c'est qu'on lui avait fait signe. Si je n'ai pu prendre ensuite sur le marché l'œuf en celluloïde, plein de documents cette fois, que cet homme arrêté d'ailleurs devait cueillir dans le panier du marchand de volailles, c'est qu'au bon moment, on mit cet affilié en garde. C'est parce qu'on m'a fait reconnaître dans la foule. Or, il n'y a qu'un homme à moi qui pouvait me reconnaître. Très juste, chef. Si notre pauvre Mapip est encore à l'hôpital, c'est que les aides ont été mis au courant de la veille qu'ils devaient monter dans l'appartement de Schmitt et qu'ils ont pu préparer leur coup. Parfaitement, c'est notre opinion, à l'amorce et à moi. Si, d'autre part, j'étais brûlé, quand je me rendais avec le chien Fritz à la taverne luxembourgeoise pour seconder Hermann, c'est que notre déguisement, nos plans de campagne étaient connus et que nos ennemis ont eu le temps de préparer leur contre-attaque et d'annihiler nos efforts. Gabriel et l'amorce approuvaient les paroles de leur chef. « Ne prononçons pas de nom, » dit Paulin Broquet, « mais préparons le piège dans lequel ce misérable doit tomber. Il faut que ce soit bientôt. » Gabriel, cependant, hasarda une question. « Chef, maintenant que nos soupçons sont éveillés, ne pensez-vous pas qu'il est inutile d'envoyer encore Hermann là-bas? Pourquoi? Il serait fatalement brûlé encore cette fois. C'est ce que je veux. Hermann, brûlé à nouveau, nous fournira la preuve de la trahison. » Gabriel et Lamorce allaient citer un nom, mais Paulin Broquet les arrêta d'un geste. « Pas encore. Ne nommons personne. Nous pouvons nous tromper, et je serais heureux qu'il en fût ainsi. Nous ne devons dire le nom du misérable qu'ayant en main les preuves irrécusables de sa félonie. » Haussant les épaules, il fit « Ah, laissons cela pour le moment. » Puis, venant à Lamorce, il lui posa amicalement la main sur l'épaule. « Je te demande pardon, mon garçon. Tout à l'heure, j'ai proclamé devant tous tes camarades que ta perspicacité était en défaut au sujet de Mac Binkerton. Oui, chef, ça m'a tout d'abord surpris, mais enfin, je pouvais m'être trompé, quoique cependant. Puis j'ai supposé que vous aviez un but en me démontrant mon erreur, et en nous disant à tous votre plaisir, votre vif désir de voir ce confrère anglais. Parfaitement. Une fois de plus, il me fallait faire l'âne pour avoir du son. Je devais sincèrement jouer la dupe pour que le traître n'allât pas avertir Mac Binkerton. J'ai compris, chef. Et maintenant, toi, devant Gabriel, je puis te féliciter, te dire combien je suis content de toi, et te promettre que ce sera avec toi que je combattrai cet auxiliaire de Zygomar, notre obligeant collègue anglais, Mac Binkerton. » Deux jours après, Paulin Broquet et ses hommes se trouvaient dans le cabinet du bar du square Montholon, où il y avait, comme pour la première fois, établi une permanence pour l'expédition de la taverne luxembourgeoise. Hermann, absolument méconnaissable, sous un nouveau déguisement d'Allemand ayant envahi Paris, avait cependant pris les plus grandes précautions pour réussir cette fois. Mais il était encore brûlé immédiatement. Pendant que Félan lui apprenait l'échec de la nouvelle tentative, Paulin Broquet, devant ses hommes, manifestait de la façon la plus sincère son grand étonnement et sa colère. Mais en lui-même, il pensait que le contraire, que la réussite de la tentative, l'eût bien plus grandement surpris. Et il attendit l'heure, l'occasion de prendre en défaut le traître et de le punir de façon exemplaire. « Car, dit-il plus tard à Gabriel et à Lamorce, à proprement parler, ce misérable n'est pas un traître. C'est un homme que Zygomar a placé parmi nous pour le servir. » Cet homme fait son métier de zèle, mais il ne le fera pas longtemps.